fume trop, je bois trop, je gamberge, je maigris. Je suis arrivé dans le rap comme le chanteur de Slim Shady. Jalouse et m'énerve tous pour la guerre, je suis ready. On revient pas en arrière, ce qui est dit et dit. Laisse-moi planer, tant demain je peux canner. Par le calibre de mon pote, je connais depuis des années. Ha, nique-moi ta mère, que de la haine, plus d'amour. Et si t'arrives, emmène-moi comme un Aznavour. Et je taffe, même pas je savoure. Je connais pas le bruit du silence et sa saveur. Et il s'avère que trop foutre le nez dans mes affaires. Allez vous faire mettre, j'ai pas que ça à faire. Trop de faux potos. Trop sous coco, la vie d'Aloca, c'est pas ça mon coco. J'pète dans l'auto ou sur la moto. J'm'arrête au feu rouge, c'est une Jul pour la photo. Et les condés, ils veulent me mettre sur le côté. Et quand ils voient Jul, ils restent choqués. Parle pas fort, y'a des fils de à côté. Jaloux de moi simplement parce que j'suis coté. Aujourd'hui y'a beau temps, sors le cross. Tout le monde a les dents, tout le monde est beau gosse. Le doigt sur la détente, ça te crosse. Tu t'inventes une vie, gros, elle est fausse. Qui te donne, qui te défonce quand t'es dans la merde. Qui te tend la main, toi tu fais style, tu m'aimes, t'aimerais t'en me la mettre. Et quand ta mère, vas-y donne l'alerte. Mon poteau, je suis comme toi, je fais mes planches galères. Génération, je te dis, je reviens tout à l'heure. Mais je te fête avec des gadgets, je me taille à la mer. Quand t'es taille à l'envers, dans le game, je coupe des têtes. Highlander, je passe le coup, tu me bats, alors je renfou la vendeuse. MC, toi t'es là, que tu me parles en buzz. Tu veux faire une feat pour attirer les bandeuses. Aïe aïe aïe. Il est énervé, Jules. Je sais pas si tu me comprends. Je sais pas si tu captes le délire. Il est très très nerveux.